haleine qui te stresse et te laisse le goût de la haine d'un spliff noyé dans une vieille 16. Quand on pète, c'est l'odeur de Bouddha qui te malaise. Le lait frais, c'est balèze. Le lait merguez malsain, classé parasite numéro 1 par les médecins. Les bactéries s'y développent, de ma dent dans mon slop. Mon sgeg n'est pas assez propre, allez hop hop, suce salope. Il faut le nettoyer, mais laisse la lessive. N'amène pas de savon, ce sera parfait avec la salive. Attarde-toi par-ci, attarde-toi par-là. Prends-le dans ta main, bouge de haut en bas, de bas en haut, de haut en bas. Pouit, gaffe, tout part dans ton nez. Tu peux plus avaler, mais tu peux toujours renifler. Ce rail de sperme qui va te monter au cerveau, traumatiser ton ego, détraquer ta libido. Et voilà maintenant, plus jamais je me bouge, puisque tu me fais livrer liqueur de framboise rose rouge et les plus belles orchidées. T'es croque depuis que je me suis vidé, que je t'ai déridé. Moi je m'en tape, pauvre tâche. Avec moi y'a pas tu simules, même si je kiffe le catch. J'ai mis ma bite dans ta chatte, t'as senti la balle de match. Vainqueur Gérard Bastin, je pète et trash. Yeah. Quand je pète, quand je crache, pouit pouit pouit. Je me lâche quand je me relâche, biatch. Ouais je pète quand je crache, je me lâche quand je me relâche. Et pouit pouit pouit. Yeah. Ouais je pète quand je crache. Ouais je pète quand je crache. Je me lâche quand je me relâche, j'ai pouit pouit pouit. Mais alors, dites-moi exactement comment se manifestent ces troubles. Je coince du boule quand je me défoule, je refoule quand je déferle, je pète quand je crache une huître, je lâche une perle plus. Tu comprends, quand t'es tenu devant la glace, il te faudra de l'argent pour ressembler à Gérard Bast. Une opération du pénis afin de l'hypertrophier. Une autre paire de tennis d'élite dans le gosier. Tu te mets tout nu devant la glace et alors là tu comprends que ressembler à Gérard Bast est un concept démon. Articule quand tu pètes, me répète souvent mes copains. Je trombine ta trompette et tu pleures le lendemain. Demain, 10 doigts et un outil perfectionné. Dis-toi que ces 10 doigts s'infiltrent en toi. 35 lex joujou extra qui ne fait pas craque boumu. Directement rattaché à mon trou du cul, tes draps tout tachés ont une odeur proche du goulash. Et c'est pour ça que je t'explique que je pète quand je crache. Yeah! Car je pète quand je crache, pouit pouit pouit. Je me lâche quand je me relâche, biatch. Ouais, je pète quand je crache, je me lâche quand je me relâche. Et pouit pouit pouit. Ouais, je pète quand je crache. Ouais, je pète quand je crache, je me lâche quand je me relâche. Et pouit pouit pouit. Paix sonore, inodore, paix discret sans l'exta. Tu rajustes ton poste quand je balance la purée dans ta techa. Éjaculation égale évacuation. Attention, dispersion, manifestation de ma digestion. Ma masturbation demande des dispositions sur le blaire. J'ai besoin d'un filtre à air et dans le derrière un petit bouchon, mais pas anti-prout. Juste pour faire un joli pop quand je décharge mon foutre. Oups, crois que j'ai fait une bourde. Quand je vide ma gourde, faut que je lourde. Heureusement que t'es sourde, je pète quand je crache, nouvelle saveur. Je te fais à la fois la vieille blague du verre baveur et celle du coup ça péter, ça cogne quand je me bogne. Y'a plus d'autre cologne, on évoque la vie sexuelle de Bast et Greta jusqu'en Pologne. Quel homme, quelle virilité, voilà la vérité qui sous tes yeux a éclaté car j'ai découvert ton point G. T'es Christophe Colomb posant le pied sur l'Amérique. Moi c'est dans le grand colon que sont mes contrées fantastiques. En 1492, je n'étais pas encore né. 1664, j'étais déjà réincarné. Je me lâcherai, me relâcherai. Le jour où je ferai lâche, rendez-vous sur la tombe de Bast au père Lâche. Même quand je serai embaumé, je viendrai tout embaumé. Quand je serai calé dans le cimetière, les fleurs vont faner. Ouais! Car je pète quand je crache, pouit pouit pouit. Je me lâche quand je me relâche, biatch. Ouais, je pète quand je crache, je me lâche quand je me relâche. Et pouit pouit pouit. Ouais, je pète quand je crache. Quand je me relâche, j'ai pouit pouit pouit. Tu crois que t'existes, est-ce qu'il te vide comme un kiss, reste pas chaste. Faites place à l'énorme braquemar braqué par Gérard Bast. Le mec classe qui se passe de publicité. Il est champion dans la lubricité. Nouvelle apparition de Frédéric Lansac. R&B instru pour je pète quand je crache. Gérard Bast en équipe avec tout Bast. De choc, hola, qu'est-ce les deux que t'as du SW. C'est pourtant facile de ne pas se tromper. Pète et crache, fais ça la maximum. Perverse, j'espère que t'as déjà joué à tout.